deuxième édition. Présenté chez Bichab. Y'a rien à vivre, frère, vous n'y pas, je gagne à ce qu'ils ont. Et Myriam, oui, ma vie est sortie. En tant que musique, vous êtes tout le monde à Saint-Viver. واحد أنوش كل شي عبيبات الخرعوش ليخدعكم بيه